bateau, je te le porte. Tu hisses les voiles de ta vie, d'océan en continent, comme un navire ivre de vie. Tu découvres l'infini, navigue comme tu le désires. Regarde dans le ciel et les étoiles, comme un marin cherche sa route pour garder le cap, te laissant porter par vent et courant. Tu tournes la roue de ton destin, seul dans ce voyage. Tu ne sais quelle route choisir, devant tant d'immensité. Navigue comme tu le désires. Regarde dans le ciel et les étoiles, comme un marin cherche sa route pour garder le cap. D'est en ouest, du nord au sud, la grande voile flotte au gré du souffle de ta vie, comme une rose danse avec le vent. Navigue comme tu le désires. Regarde dans le ciel et les étoiles, comme un marin cherche sa route pour garder le cap. Dieu te demande, tiens la barre, la force de ton destin, tes désirs et passions, à travers les caprices du temps. Lutte contre la fureur des éléments, tu te sens comme une coquille de noix voguant, tourbillonnant à contre-courant. Navigue comme tu le désires. Regarde dans le ciel et les étoiles, comme un marin cherche sa route pour garder le cap. Maintenant tu redécouvres l'horizon, tu te demandes qui est le plus fort, la volonté de ton destin ou la force de ton courage. Cherche la réponse dans le temps. Navigue comme tu désires. Regarde dans le ciel et les étoiles, comme un marin cherche sa route pour garder le cap.